Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin le chapitre 13 que nous avions commencé hier. Et on va continuer dans ces exhortations que l'auteur apporte à ses lecteurs pour les encourager à la persévérance. Notre bon Père du ciel, nous nous courbons devant toi encore une fois, parce que tu es notre Maître, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Et tous ces titres te rendent unique. Tous ces titres nous poussent à l'adoration, au service, à la louange. Continue à nous parler ce matin par ta parole. Continue à nous conduire, nous guider par ton Esprit Saint. Seigneur, nous t'attendons. Nous t'attendons. Tes promesses sont formelles, sont certaines. Tu viens chercher ton peuple un jour ou l'autre. Mais peut-être que tu vas venir nous chercher individuellement, de différentes façons. Mais nous voulons mourir dans la foi, dans la vraie foi. Dans la foi que nous a transmise Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Nous avons commencé à voir hier le chapitre 13 et nous allons, si vous voulez bien, relire chapitre 13, verset 1 jusqu'à 6 pour commencer. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. » Donc, on avait vu hier, premièrement, l'encouragement à la persévérance dans l'amour fraternel, qui veut dire, « Je continue mes relations avec les enfants de Dieu. » Je continue à aimer les enfants de Dieu et ainsi je démontre en même temps que j'aime leur Père qui est aussi mon Père. L'identification avec le peuple de Dieu est une manifestation de ma foi et aussi de ma persévérance parce qu'il dit persévérer. Donc, il y en a qui avaient commencé et les encourage à continuer. Et si vous regardez dans les Écritures, ceux qui ne persévèrent pas dans l'amour fraternel sont jugés et condamnés. Sont jugés et condamnés. Attention ici. Je ne parle pas de gens qui passent par des moments difficiles, qui se retirent pour une petite période de temps ou qui changent d'église avec lesquels ils se rassemblent. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui abandonnent l'amour fraternel pour manifester leur abandon de la foi en Jésus-Christ. Ce serait la même gang que l'apôtre, l'auteur ici dit, si vous retirez, vous êtes perdu. Ce serait la même vérité ici. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Donc, il dit, recevez, occupez-vous, recevez chez vous les frères, les sœurs qui sont sans logement, qui sont sans les sous, qui ont des besoins fondamentaux à cause de cette période de difficulté, d'attaque contre l'Église, de persécution. Ensuite, il dit, souvenez-vous des prisonniers, donc prenez soin d'eux autres, allez les voir, priez pour eux, prenez soin d'eux, prenez soin de ceux qui sont maltraités, peut-être qu'ils n'ont pas été mis en prison, mais ils ont été battus, ils ont été malmenés par la société dans laquelle ils vivaient à cause de leur foi. Ça serait un petit peu là, ça rejoindrait un petit peu ici, je crois, l'épître de Jacques, qui était écrit aussi à des Hébreux qui avaient été dispersés à travers l'Empire romain à cause des persécutions contre eux, à cause qu'ils étaient devenus des croyants. C'est la même vérité, je crois, ici, dans ce sens-là. Et là, on arrive au verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Je me suis posé la question pendant de longues heures, pourquoi est-ce que l'auteur amène cela dans le contexte ici? Est-ce que c'était une difficulté parmi eux? Est-ce que c'était la difficulté d'un Corinthien 7? Ou est-ce qu'il y en avait qui s'étaient séparés parce qu'ils pensaient que c'était plus spirituel de vivre seul que de vivre en couple? L'apôtre Paul leur dit non. Il dit, si vous êtes marié, restez marié. Si vous êtes célibataire, vous pouvez rester célibataire. Mais il les encourage à rester ensemble. Je me suis posé la question. Ici, l'auteur dit honorer le mariage. Respecter le mariage par le fait qu'il dit que le lit conjugal doit être exempt de souillure. Je me suis dit, une grande partie des hommes qui sont cités dans le chapitre 11 comme des héros de la foi, étaient des hommes qui étaient en grande partie, la plupart d'entre eux autres, des polygames. Par polygame, je veux dire qu'il y avait plusieurs femmes. Abraham, Isaac, Jacob, David. Tous ceux-là avaient plusieurs femmes. Et je me dis, pourquoi tu nous encourages à honorer le mariage et le lit conjugal, quand les héros de la foi que tu nous cites en grande partie sont des polygames? Je me suis posé la question, est-ce qu'ils voulaient retourner à la loi en partie parce qu'ils croyaient que la loi était plus permissive du côté du mariage? Peut-être pas. Je me suis dit aussi, est-ce que c'est le fait que, à cause de la décision qu'ils étaient en train de prendre de quitter ou de rester, attachés à la foi, séparaient les couples, emmenaient des difficultés de conjugales et qui étaient proches de prendre des décisions de se séparer, de se divorcer à cause de la foi. Un peu comme dans 1 Corinthiens 7. Si le non-chrétien veut rester avec toi, reste avec lui. S'il ne veut pas rester avec toi, tu ne peux pas l'obliger à rester avec toi. Est-ce que c'est ça? Mais une chose est certaine. Je crois que ça va plus loin que ça ici, selon mon dire. L'auteur dit que le mariage doit être honoré de tous. Ce n'est pas juste que je ne dois pas tromper mon conjoint, mais je crois que c'est l'attitude première envers le mariage, que l'auteur parle ici. Que le mariage soit reconnu comme une institution divine. Que le mariage soit vu comme quelque chose qui vient de Dieu, et non pas seulement qu'une tradition sociale, une tradition culturelle, quelque chose de contemporain à une culture quelconque. Mais il dit que le mariage soit honoré de tous, que le mariage soit vu comme une institution divine. Par mariage ici, je ne parle pas de la cérémonie de mariage. La cérémonie que je vais faire pour démontrer que j'honore le mariage va être bien différente d'un siècle à l'autre, d'une génération à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une race à l'autre. Ça va être bien différent, et ce n'est pas de ça que je parle ici. Je parle de L'institution du ménage, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Donc, j'accepte, j'honore le mariage, je le vois comme une institution divine parce que ça vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis en place le mariage. Donc, je vais respecter mon engagement en ne souillant pas le lit conjugal. En restant fidèle à mon conjoint. En respectant l'engagement que j'ai pris de former une cellule familiale. Parce qu'il dit, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. La raison d'honorer le mariage, c'est parce que Dieu va intervenir si je ne respecte pas le mariage. Donc, si ce n'était pas une institution divine, si ce n'était pas quelque chose que Dieu voulait, Dieu n'interviendrait pas pour juger ces gens-là. Vous aurez fait ce que vous voulez. Moi, je n'ai rien à foutre de ce que vous faites là, dans ce domaine-là. Si Dieu intervient et va juger ceux qui déshonorent, c'est parce que c'est lui qui le met en place. C'est lui qui a voulu cela. Donc, il parle ici qu'il va juger. Le mot juger, je crois que c'est plus fort que le mot qu'on a vu dans le verset, dans le chapitre 12, châtier ses enfants qu'ils aiment. Ici, c'est le mot juger, je pense que veut dire, selon ma compréhension, condamnation. Il jugera les débauchés et les adultères. C'est qu'ils vont condamner, ils vont rejeter à la perdition ceux qui déshonorent le mariage. Parce qu'en déshonorant le mariage, il déshonore celui qui met en place le mariage qui est Dieu. Je ne crois pas ici que l'auteur parle que si un croyant, homme ou femme, a des difficultés, tombe ou chute dans le domaine de la sexualité, automatiquement Dieu va le juger et le condamner. Ça se contredit quoi avec l'ensemble des Écritures où ce que Dieu pardonne les péchés en Jésus-Christ. Ça rejoint l'enseignement de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, quand il dit les débauchés, les homosexuels, ils appellent toute la gang, les efféminés, n'hériteront pas du royaume des cieux. Et c'est ce que vous étiez, certains d'entre vous. C'est la même idée ici. Que si je déshonore le mariage et que je souille le lit conjugal, et c'est une façon de démontrer que je rejette ce que Dieu a dit, que je me fous de ce que Dieu a dit, je vais être jugé et condamné. Je crois que le croyant ou la croyante qui lutte avec certains péchés dans sa vie, les débauchés, c'est des gens qui ont des relations sexuelles avant le mariage. Et l'adultère, c'est des relations sexuelles hors du mariage, étant marié, bien entendu. Donc, ceux qui ont des difficultés là-dedans, qui chutent, qui tombent, et qui se relèvent, et qui prient, et qui demandent pardon, je ne crois pas qu'ils vont juger et condamner dans le sens que l'auteur le parle ici. Je crois que l'auteur ici encourage les chrétiens à honorer le mariage et à garder le mariage même dans ces moments difficiles-là. Si ton mari est en prison, si ta femme est en prison, si vous avez des difficultés, les persécutions vous ont séparés, en tout cas, il y a toutes sortes de choses qui peuvent avoir arrivé, respectez le mariage. Mettez en place ici. Ensuite, il parle au chapitre, verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » L'amour de l'argent, je crois ici, dans notre contexte de l'Épître aux Hébreux, c'est que ne voyez pas de garder vos biens, votre argent, vos jobs comme étant primordial à la foi chrétienne. Ne soyez pas à nier votre foi, à nier les enfants de Dieu, à rejeter les enfants de Dieu, à vous dissocier des enfants de Dieu pour garder votre argent. Si on fait ça, c'est maman est notre Dieu et non pas Dieu ou Jésus. Ça, et ne vous livrez pas à l'amour d'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Et si vous avez, dans notre contexte ici, c'est vraiment spécial, là. Parce que le texte nous parle que c'est très difficile pour eux autres dans ce moment ici. Il y en a même qui disent, vous avez accepté qu'on vous a enlevé tous vos biens au début. Vous avez été mis en prison. Vous avez été persécuté. Vous êtes obligé de partir. Vous êtes obligé de fuir. Rappelons-nous, l'Épître aux Hébreux, ça a été écrit pendant les actes des apôtres, si je pourrais dire ainsi. C'est à l'intérieur des premiers 30-40 ans de l'Église. Et parmi les 30-40 ans de l'Église, il y a eu de la persécution. On le voit dans les actes des apôtres. Il y a eu de la persécution pendant les 28 chapitres. On le voit à travers l'Apocalypse. On le voit à travers toutes les épîtres. Il y a de la persécution contre l'Église. On le voit dans l'épître de Jacques, où ce qui ont été dans la dispersion, les Hébreux. Donc, il dit, par amour pour l'argent, n'abandonnez pas la foi. Contentez-vous de ce que vous avez, peu importe ce que vous avez. Et là, il dit quelque chose qui est quasiment humoristique. Il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne veux pas t'abandonner, je ne veux pas te délaisser, je vais prendre soin de toi, ne crains rien. Il dit au verset 6, Dieu est mon aide. Mais comment peux-tu dire ça? Quand tu es en prison, quand tu as perdu tous tes biens, quand on t'a enlevé tous tes biens, on t'a dénudé, puis là tu vas dire, ah, Dieu prend soin de moi. Je n'ai aucune crainte. Que peut me faire des hommes? Ben, mes hommes, ils peuvent me mettre en prison, ils peuvent me maltraiter, ils peuvent m'enlever tous mes biens, ils peuvent me voler tout ce que j'ai, parce que je suis un croyant maintenant. C'est ça qu'ils peuvent me faire les hommes. Mais dit, contentez-vous de la situation dans laquelle vous êtes. Pas évident, hein? Donc ici, si je prends ce texte-là et je le sépare de l'Épître aux Hébreux, puis je dis, ah ben voilà, Dieu promet qu'il va s'occuper de moi, Dieu promet qu'il va me donner ce que j'ai besoin, Dieu me promet que je manquerai de rien. Mais c'est certainement pas ça que ça veut dire, parce que ceux qui reçoivent l'Épître aux Hébreux, une partie d'entre eux autres, du moins, a perdu tout ce qu'il y avait. Ils sont dans la misère, sont en prison, sont dans des difficultés. Matériellement, monétairement, ils sont en difficulté. Donc, ils pourraient dire, ben non, Dieu n'a pas fait ça. Mais je crois que Dieu dit, moi je suis souverain. Et je prends soin de vous. Je suis pas... ignorant de la situation dans laquelle vous êtes. Je sais de ce que vous vivez. Je prends soin de vous. Je vous abandonne pas. C'est pas à cause que vous vivez ce que vous vivez là. C'est pas à cause que vous êtes en prison. C'est pas à cause que vous avez perdu vos biens. C'est pas à cause que vous êtes persécuté et maltraité que je vous ai abandonné. Je vous abandonnerai jamais. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent faire périr le corps. Mais craignez celui qui peut faire périr l'âme dans le feu de la géhenne. Si par amour pour l'argent et pour le bien-être matériel et tout ce qui entoure cela, vous me rejetez, vous pliez devant ceux qui peuvent faire périr physiquement, moi, je vais être votre juge au lieu d'être votre sauveur. Mais si vous acceptez les souffrances, si vous contentez de ce que vous avez, même si vous avez peu, vous acceptez ça, vous soumettez à ça parce que vous êtes des croyants et vous acceptez ça par amour pour Dieu, par amour pour Jésus-Christ. Moi, Dieu, je vous abandonnerai jamais. Moi, Dieu, je vais être votre aide. Vous n'avez rien à craindre de moi. Oui, les hommes peuvent faire du mal, mais moi, je vais vous faire seulement que Dieu. Bien. Notre Père du ciel, merci de nous avoir encore une fois encouragés ce matin par ces belles vérités. Oui, il y aura un prix à payer dans ce monde pour te suivre. Oui, il y aura un prix à payer. Oui, il va arriver qu'on va être persécuté, maltraité, on va perdre peut-être des amis, peut-être perdre une job, perdre des biens matériels. Oui, ça va arriver. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent nous faire. Aide-nous, Seigneur, à rester attachés au peuple de Dieu. Aide-nous à prendre soin les uns des autres dans les moments où est-ce qu'on a besoin les uns des autres. Aide-nous de nous encourager, de nous stimuler, de nous fortifier. Seigneur, aide-nous de respecter ce qui vient de toi. Seigneur, dans les moments où tu vas nous mettre dans des grands moments de prospérité ou dans des grands moments de disette, aide-nous de rester attachés à toi. Parce que tu as promis que tu n'abandonnerais pas, que tu ne délaisserais pas ceux qui t'aiment, ceux qui te servent, ceux qui te voient comme leur maître et leur Seigneur. Oui, les hommes peuvent nous maltraiter, mais toi, tu vas toujours nous faire du bien. Et nous t'en glorifions, nous t'en bénissons. Au nom de Jésus. Amen.